I'm pain, pain, pain. It's alive! Avec quelque peu de retard, oui, mais nous voici à la dernière partie de cette rétrospective 2017, soit la rétro Undead de réanimation. Eh bien non, c'est faux, puisqu'il reste encore des titres qui ne seront pas diffusés ce soir et qui feront office d'une quatrième, mais cette fois-ci finale, présentation de la rétrospective la semaine prochaine. Et tout ça, c'est encore la faute à Sinistros. Ben, faute de Symphorien, faut trouver quelqu'un. Parce qu'il a retenu trop de choses en 2017, mais pas assez dans sa vie en général. Sinistros et moi, votre bon Dr. Payne, vous proposons donc ce soir nos retenues métal parues entre juillet et septembre. J'ai dit métal, mais quand j'écoute certains choix de Mr. Pestilence, j'en suis moins convaincu. Mais bon, il faut que Jeune Peste se passe. Il est encore jeune, le gobelin. Ben non, pas trop finalement. Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque leurs expérimentations en réanimation post-cryogénique sont commanditées par Prestone. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause I-N-E said so. Vendor Sword. Let's go. Hey, t'as un don certain, toi. J'ai un don, hein? Ouais, oui, oui. En fait, c'est don de valeur, c'est ça. Oui, c'est don de valeur. Sinistro, c'est ces choix qui en finissent plus, qui ont tout le temps l'air d'on gambade dans la forêt. Bien sûr, la forêt suédoise. Ouais, ben la forêt peut être de n'importe où. Moi, là, quand c'est trop, comment on dit, sylvestre, voilà. Sylvestre. Oui. Vas-y quand même, là. Ah, d'accord. Ben bonjour, chers auditeurs. Wow, chori, pas avec les politesses pour endormir le monde. Je ne me souhaite pas la bienvenue. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition du mois de février, en ce 6 de l'an de... Ben, février, bien sûr, de l'an de disgrâce 2007. Et oui, je 2007? Suis... 2018, ah, pardon. Okay. 2007 en plus, c'est ça, Seigneur. Oui, non, j'avais marqué 2010. C'est un saut dans le temps, mon ami. Ah, j'adore les voyages dans le temps. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je suis accompagné de cette ignoble chose minimalement sympathique qui vient de tout mélanger tes affaires d'émissions en réussissant à placer une quatrième émission la semaine prochaine dans la rétrospective. Ah, ben oui, mais à ma défense, ou à la tienne plutôt, devrais-je dire, j'en ai passablement dans cette dernière tranche. OK. Contrairement aux... incluant celle-ci, les trois émissions. Avoue que si j'étais pas revenu, t'aurais booké ça en une ou deux émissions, gros max. Non, probablement en une ou deux minutes. En une? Non, je crois pas honnêtement que j'aurais fait plus qu'une émission et demie au maximum. Je me serais tanné, ben. Ben, écoute, j'ai fait le décompte pour le fun de ce que tu avais passé jusqu'à présent, incluant ce que tu vas passer ce soir, et versus ce que moi, j'avais, puis finalement, je pourrais pas être là, ça serait pareil, là. Ben, c'était ça le but. Ah, ben, voilà! Ben, j'ai appris ta franchise. Donc, ben, je vais vous laisser au bon soin de Sinistros. Wintersorg, qu'on vient d'entendre avec Fiolet Margetmur. Comment? J'ai aucune idée comment ça se prononce, mais ça n'a pas d'importance. Non, ben, je pense que j'ai mal compris. C'est tiré de l'album Till Falls Dell 2. Qui? Oui, c'est ça. Qui est Wintersorg qui effectue un retour à ses origines du temps des deux, trois premiers albums. Ouais, c'est très intéressant. Non, pas du tout. Formation de suite de Skelleftar. Dis-moi, t'as dit ça? Skelleftar. Et c'est sorti le 30 juin 2017. C'est ce qui complétait notre mois de juin. On commence en juillet. Tout là. Absolument. D'ailleurs, quand même, je regarde ça, Sinistros, Wintersorg qui existe sous ce nom depuis 1996. Oui, il n'a jamais arrêté. C'est pas ça que je voulais dire. Là. OK, c'est correct. Avant, 94 à 96, sous le nom de Vargatron. Mais depuis 1996, puis on s'entend pour dire que ça fait comme pas loin de 22 ans. Là. C'est ça. Mais il a fait aussi plein de choses avec... Ben, pas fait de grand album, hein? Ben, une coupe, une dizaine, certains. Ben non, t'es fou, toi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, je disais 10. C'est ça. Franchement. Moi, j'ai arrondi, là. T'as arrondi à 10. Ça, ouais. C'est sans compter son travail avec Bocnagar... Et Wattig et un paquet d'autres, d'autres entités aussi de Farfadet. comme tu les aimes avec de la flûte. Oui, de son vrai nom, Andreas Edlund. Glood. Edlund. Dis-le, hein, comme il faut. Andreas Edlund. Voilà, bravo, pauvre clown. On va poursuivre, effectivement. Cette fois-ci, on débute en juillet. Le 7 juillet, paraissait. L'album qui devait figurer sur le numéro 2 de mon top 10, la formation de Kronos Polong, Decapitated. Oh, puis il est arrivé des affaires avec Decapitated en 2017 qui sont pas très, très, très, très cool. Ben, lâche-toi là, mon ami, instruis-nous. T'as pas su ça? Je te laisse parler. Ils ont lors de leur comment pourrais-je dire? Lors de leur la tournée, façon la plus facile. Bon, lors de leur tournée américaine, ils n'ont pas fait beaucoup de dates parce qu'ils se sont fait arrêter pour des allégations de viol collectif. Effectivement, ce n'est pas prouvé encore. Ben là, ils ont été relâchés, ils ont été comme blanchis de ça, mais c'est pas dit que ça va revenir sur le tapis. C'est pas dit que ça ne reviendra pas, effectivement. Et ça, c'est une grave faute si ça s'avérait être vrai, bien sûr. Ce qui pourrait nuire considérablement à la carrière de cette formation que je considère maintenant comme étant emblématique dans le death, je dirais groove metal. Bref, toujours est-il que, espérons que ce ne sera pas vrai. Mais c'est un petit peu nono pour une groupie de faire une affaire de même. Ils n'ont pas d'argent, Christy, écoute bien là. Ben, t'as raison d'une certaine façon, parce que le groupe gagne difficilement mais oui, c'est sa comme, vie avec ça. Tu sais, ah, il m'a fait ressemblant que c'est mon violé, puis il m'a traîné en cours, puis m'a envoyé plein de cash. Je me suis dit, non, pas d'argent, écoute. Là, non. Bon, en fait, la justice dira si ça verrait, si ça verrait être vrai ou non. Quoi qu'il en soit, moi, musicalement, c'est une formation que j'aime beaucoup. Oui. Surtout depuis qu'ils ont pris la tangente plus groove. Oui. C'est un groupe que je trouve très, très, très efficace, Decapitated. Je parle de leur 7e album, Anti-Cult, qui est paru le 7 juillet dernier. On va écouter Kill the Cult. On va suivre ça par un choix de Sinistro. Encore lui. Ben oui, avec Kabbalah, formation Doom. Formation Doom avec une femme au vocal. Très, très intéressant, mais c'est un Doom assez intensif, assez bruyant. Là. Bruyant. Très, très bruyant. D'accord. Et on va clore cette émission avec... Non, c'est pas vrai. On va clore le bloc avec Cytotoxine, formation allemande qui donne dans un, je dirais... Ah, oh, c'est la frise de Death Metal. Ben, ça t'étonne-tu, je pense, Death Metal? Toi? Non, pas du tout. Tout hein? Oui, finalement. Decapitated, let's go. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Avez-vous envie de découvrir de la musique canadienne? Venez assouvir votre soif d'émergence avec nous, Oriane Clavet et Liliane Flynn, les pas sortables, tous les mardis de 16h à 17h sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Salut Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou 89.1. T'es encore là, toi? Ben oui! T'es pogné avec moi-même. Jusqu'à quand? Jusqu'à 21h. Oui! Puis je vais revenir encore la semaine prochaine. Oh non! Puis l'autre après. Oh, c'est mon karma? Ben là, c'est toi qui le sais. Non. T'as eu la paix quand même pendant 4 ans. Là. Mais c'est tellement vite passé les bons moments. Hein? Avant cette délicieuse pause publicitaire, la formation de Saxe en Allemagne, Cytotoxin. Et la pièce... Sinistros, faut que je te pose une question avant, c'est vrai. Non, faut pas que je te pose une question. Faut que vas-y, tu... vas-y. Faut que tu dises bonjour à Horace. Bonjour, Horace. Tu l'as rendu heureux, là. C'est parce qu'il dit tout le temps la même affaire à toi et ben ouais, mais... Un singe, un vocabulaire très restreint, voyons. C'est déjà bien qu'il puisse parler. Il faudrait l'encourager. Ouais, d'accord, j'encourage Horace. Lâche pas. Tu l'encourages, Horace? Oui, j'encourage tout le temps. Hein? Voilà. Ben oui, Horace, ben oui. Il reste poli avec, puis il va être gentil avec toi. Cytotoxin, c'est une formation qui vient de comme je l'ai dit, d'Allemagne, qui donne dans un technical brutal death metal. Je vais te poser une devinette. Vas-y. Ils ont trois titres jusqu'à présent. Le premier paru en 2011 qui porte le nom de Plutonium Heaven. Le deuxième de 2012, Radiophobia. Et celui-ci, dont l'extrait que j'ai passé était extrait en 2017, Gammageddon. De quoi crois-tu que leurs principaux termes sont composés? Je pense qu'ils trippent sur les rayons et sur la radioactivité. Ben, t'es pas loin de ça, parce que Tchernobyl. Oh, pas Tchernobyl. Ben oui. La pièce, comme je l'ai dit, est en Tchernopolis, qui est paru sur Gammageddon, leur troisième album paru le 21 juillet. Gammagidoun. Gammagidoun, oui. 21 juillet. C'est tellement facile comme blague, ça. Ah oui. 21 juillet 2017, bien sûr, sur Unique Leader. Juste avant, nous avions un de tes choix, le Balagalavola. Là, oui, Kabbalah, formation de... Je me rappelle plus où, parce que c'est pas écrit sur ma feuille. C'est sérieux. J'essaie de regarder sur Metal Archive, puis ils veulent pas me le donner. Fait que, c'était la pièce. Ça, moi. Ah ouais, vas-y, t'es capable. C'était la pièce Phantasmal Planetoid, tirée de l'album Spectral Ascent. C'est paru sur Twin Earth, évidemment, en 2017. Puis toi, tu trouves ça bon, toi? Ben ouais. Ben ouais. Hey, je cherche, là, mais ça, c'est tellement, tellement obscur comme groupe. C'est très, très difficile à trouver. T'es un petit peu, là, je vais te trouver. Ah, c'est pas grave. On en reviendra plus tard. Non, je veux savoir, moi. Ah, tu veux savoir, OK, d'accord. On a tout notre temps. C'est vrai que nos téléspectateurs... Ils sont pendus à nos lèvres. Ça fait un peu mal à la longue, là. Ben, c'est ça, ils disent pas nulle part. Ben, c'est pas grave, ça. Ils viennent d'une planète fantasme. Ou de quoi de genre, là? Ben, c'est ça, c'est le titre de la chanson. Hey, c'est-tu quoi? Je m'en sac pas mal. Moi aussi. OK. On va entrer dans le... Bon, on va continuer en juillet, et toujours avec le 21 juillet, avec un de tes choix. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que c'est que Sound of the Sleepless. Ben, c'est la moitié de The Vision Bleak. Qui sont deux. Qui sont deux. C'est que finalement, ils sont un dans Son of the Steepless. D'accord. C'est un one-man band mené par Schwardorf qui a décidé finalement de faire un projet un peu plus black metal que Vision Bleak. Mais je soupçonne que c'est peut-être des rejets qui étaient destinés à Vision Bleak. Ah oui? Parce que ça sonne pratiquement pareil, légèrement plus black, légèrement plus vite, mettons. Là. OK. Mais ça reste dans les mêmes tonalités, le même type de riff, les mêmes ambiances. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va y aller avec Where in My Childhood Lived a Witch. Foutu, OK, fort. Ben, c'est un peu le titre un peu évocateur de ce que Vision Bleak font. C'est la même affaire. Ben oui. Même principe. On va attendre aussi une formation à laquelle évolue notre cher. Oui, national. Toe Cross avec le chanteur de Amebix, qui est un des groupes hardcore punk assez culte dans cette scène. Un petit peu style Killing Joke mélangé avec un peu d'Exploited. Okay. Justement, Toe Cross a beaucoup de similarités avec Killing Joke et le type de vocal de Jazz Coleman. C'est moi, j'ai bien aimé ça. Mmh. C'est cool. D'accord. Et on va se rendre jusqu'au 28 juillet avec un de mes choix qui est Aberrant Decimation. Donc, quel beau titre de groupe. Effectivement. Oui, t'as bien fait de le faire remarquer. Donc, tout de suite avec Sound of the Sleepless, vous êtes à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show. Let's go! Oh, see. the bell. I remember hearing as the ship was going down. We filled the boat and cut the line, cast our lot in favor to the cruelty of the sea. Oh, seven men, what time we in? To burn and bleeding from the fires on our ship. The captain's voice across the night called my me to my children. I am headed for the day. Underwater, underwater, oh. Let us turn this fight as we do.

Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive la levure et on produit de la culture. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.5. Vous êtes à Cibou? 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibou? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, en compagnie de cette... je sais pas comment tu t'appelles. Moi non plus. Chose. Tu sais que si nos téléspectateurs... Nos téléspectateurs, oui. seraient à mesure d'entendre ce qu'on se raconte hors onde... Probablement qu'on aurait plus d'auditeurs. Il n'y aurait possiblement plus de téléspectateurs, effectivement. Non, mais il y aurait place à beaucoup de débats, ça serait... Ben oui. Ben, tu sais, j'ai eu une idée un jour, ou un soir. Pas mettre de musique, juste vous. Oui. Oui, juste faire des débats sur la musique en général. Ouais, effectivement. C'est ça, c'est... Oh, oui. Bon, peut-être la parsemer à l'occasion de quelques pièces. 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là. Un peu les dire, mais oui, j'ai eu cette idée-là. Et je dis pas qu'on le fera pas un jour. Ah, ça pourrait être cool. Ben, peut-être pas pour les auditeurs, mais pour nous autres, oui. on vient d'entendre la formation Abhorrent Decimation, formation de Londres, et non de l'ombre, ben quoi qu'un peu des deux, et une pièce tirée de leur deuxième album de Pardoner. Pardoner qui est paru le 28 juillet 2017, bien entendu, sur Prophetic. La pièce étant Conspire, formation qui donne dans un death metal... Régurgité. Oui, par moment, oui, assez, et dont les principales thématiques sont l'anti-religion. Ouais, ça n'a pas l'air d'être très gentil, le patron. En fait, non, je les regarde, puis pas du tout. Tout juste avant, on a eu la formation Toe Cross, dont fait partie Away de Voivode. Ouais, chic type. Oui, oui, chic type. Effectivement. Et bourré de talent aussi. Tout à fait. Polyvalent. Oui, oui, oui, autant... Et ponctuel, semblait-il. Ben, ça, c'est une très grande qualité. J'en ai aucune idée. Quelle est votre plus grande qualité? Je suis ponctuel. Ah, c'est bien, je t'engage. c'était la pièce Underwater, qui est tirée sur le deuxième album, Pillar of Fire, paru en juillet, sur Relapse. Et curieusement, c'est le deuxième album. J'étais passé complètement à droite du premier album. J'ai aucune idée pourquoi. C'était ben, je suis d'accord avec toi, parce que... Quand on passait en dessous du radar, ouais, c'est comme... Moi aussi. Ah, okay, c'est beau. On a eu Son of the Steepless, qui renferme la moitié du groupe de Vision Bleak, c'est-à-dire un seul membre. Avec... Il fait tout, c'est le choix d'offre, dans le fond. Avec la pièce Where in My Childhood Lived a Witch, on voit ici les thèmes assez récurrents de The Vision Bleak. Oui. C'est paru sur le premier album To the Elements, et c'est paru sur Lupus Lounge. Le 21 juillet. Voilà. Quand je disais tout à l'heure que c'est pas mal Sinistros qui domine au niveau des choix qui sont présentés, du moins jusqu'à présent, ben ça va être le cas. Je le prouve encore. Ben le prochain bloc le prouve encore parce que les trois pièces, c'était trois choix. Oui, puis on va avoir trois styles complètement différents. Oui, tout à fait. On va y aller avec un heavy metal traditionnel, classique, comme seul accepte et capable de nous rendre. Mm-hmm. Et il nous le rend très bien depuis les quatre derniers albums, depuis que le groupe est de retour avec Mark Tornillo à la barre, au vocal. Mm-hmm. Accepte, avec cet album-là, il y a eu des changements de line-up. Ça veut dire que Stéphane Schwarzman à la batterie a quitté, puis... Je savais même pas. Oui, puis... voyons, c'est quoi son nom, là? Pas le guitariste. Oui, le guitariste. Pas Wolf Hoffman, mais okay. L'autre, c'est Kaufman. Non, Kaufman, c'était le drame. En tout cas, bref. Je vous reviendrai avec ça plus tard. J'ai un blanc de mémoire. Je vais aller voir pendant que tu déblatères des niaiseries, là. Ça va être la pièce titre du dernier album de Rise of Chaos, qui est très, très, très bon. On va avoir aussi Devil Electric, qui donne dans un hard rock un peu plus métallisé. Ça, retenez ça, parce que ça ne jouera pas souvent à réanimation. Stéphane Kaufman? C'est Stéphane Kaufman? Il est parti en 94. Non, ça, c'est le drummer. Donc, c'est qui le guitariste? En 2000, qui serait parti l'an dernier? Oui, ou? L'an dernier. Ou l'an en 2016, peut-être. Ou 2000. Ben, fais-toi une idée, je suis tout mélangé, là. En 97, non, parce que ça n'a aucun rapport. Non, il est parti entre l'avant-dernier album et le dernier album. Ben, en 2014, il y a Herman Frank. Herman Frank, c'est ça. OK. C'est ça. Herman Frank, qui a eu 71 ans. T'es-tu sérieux? Oui, c'est ça. Hein? Oui. 68 ans. 68. C'est pareil, hein? 71, 68. Rendu là. Ouais, c'est vrai que toi, les chiffres puis les lettres, c'est pas mal un concept un peu débuleux, hein? Quel âge que t'as, toi? Hein? J'ai A9. Bingo! Ouh, on est peut-être mûr pour l'asile, finalement. Non, on n'est même pas assez date pour l'asile. Possiblement. On va finir le bloc avec une formation qui effectue un retour cette année, l'année passée. Formation londonienne Akerkoke, qui donne dans un progressif black metal complètement disjoncté. Ah, moi, là, j'ai pas accroché là-dessus. Je m'étais imaginé que t'accrocherais peut-être pas là-dessus. Ben, c'est drôle parce que toi... le Rockmaster, Tower, vous avez vraiment trippé à fond sur ce band-là. C'est tellement pété d'aller chercher. T'as vraiment une sonorité très métal, mais t'as aussi beaucoup de sonorités progressives des années 70, mais avec un vocal qui rappelle des fois des groupes alternatifs des années 80. Ben, c'est peut-être que j'ai trouvé que le mélange était un peu granuleux par moment. C'est bizarre. Ouais. Je vais t'avouer que les premières fois, tu fais « qu'est-ce que c'est ça? » Je me le dis encore. La deuxième fois, tu dis « Ouais, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, moi, je vais t'arriver la troisième fois et dire « qu'est-ce que c'est ça? » C'est sûr que ça prend une coupe d'écoute. Puis j'avoue très sincèrement que le métalleux moyen risque de se perdre un petit peu là-dedans. Là, ouais, j'en conviens. Ça prend une oreille quand même très avertie. Faut avoir écouté beaucoup d'autres choses. Ça prend une grande oreille comme Jeannette. Ben, c'est ça. Faut savoir écouter. Mais voilà. C'est Jeannette ne veut plus rien savoir maintenant. Elle a trop écouté. Fait qu'on commence tout de suite avec Accept The Rise of Chaos. Oui, parce que moi, je suis plus capable. Vous êtes à l'écoute de réanimation, on suppose. Let's go! We'll be right back.

20h23. Vous écoutez de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Ce bloc était entièrement made in Sinistros. Made in bizarrerie aussi. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui. Formation Akerkoke avec la pièce Insentience, tirée du nouvel album après plus de 10 ans de shutdown total. De si silence. Dire, de silence. Renaissance in Extremis, cet album prend tout son sens dans le titre. Mm-hmm. Effectivement, le groupe est... Il renaît de ses ans. Il est résurrectu. Résurrecturé. C'est ça. C'est paru sur Peaceville Records. Tout juste avant, on a eu la formation hard rock presque métallisée. Devil Electric, un excellent band avec un excellent album. La pièce Shadow Man, tirée du premier album Devil Electric, s'est paru indépendamment. Des Australiens, c'est correct. Oh, c'est très bon, c'est très bon. Puis on a eu Accept avec la pièce titre du nouvel album The Rise of Chaos, toujours aussi efficace. Et... J'ai pas beaucoup écouté cet album-là. Moi, je l'ai bien aimé. Ouais. Meilleur que le précédent. Blind Rage m'avait légèrement déçu. Oui. Quelques ballades de trop là-dessus. Ouais, mais là, ils ont su rectifier le tir avec The Rise of Chaos. T'as raison, il y avait des ballades cet album-là, ouais, je m'en rappelle. Là. C'était un peu. Il y avait des longueurs. Ouais, c'est. Je dirais poliment dit. Ouais, moi, j'avais pas tellement aimé. D'ailleurs, je l'ai jamais réécouté, je pense. Ben, une ou deux fois. Là. Il veut 20h24. Est-ce que oui, je vais la faire tout de suite. Petite chronique cinéma. Ah oh, non, pas de ça, ouais, ça c'est ben, fou. C'est, ben, c'est pas bon, mais bon. ce sera pas très long. Ok, voilà, c'est fini. ce vendredi sera à l'affiche le nouveau film de Clint Eastwood, 1517 Paris, qui traite des attentats du métro. Ça risque d'être relativement intéressant. Clint Eastwood, c'est un très bon cinéaste. Donc, il risque d'avoir traité le sujet avec beaucoup de... Comment je pourrais dire? Professionnalisme. Un petit film fort intéressant qui est une production... en fait, je me rappelle plus vraiment. C'est-tu... Je pense que c'est espagnol. Qui porte le titre de Limehouse Golem. Je sais pas si t'aimes un peu les films genre victorien gothique à la Chuck l'Éventreur. Oui. Ben, c'est exactement dans le même genre et c'est justement avant Jack l'Éventreur. C'est un. Le golem, tu sais, c'est la créature maléfique des Juifs, là. Donc, c'est un. C'est encore le même principe que Jack l'Éventreur. C'est un tueur en série qui. La croyance populaire dit que c'est une créature maléfique qui est le golem qui tue dans avec des techniques relativement sanglantes. Et c'est un inspecteur de Scotland Yard qui est placé à cette enquête-là, mais on le fait volontairement pour le discréditer, pouvoir s'en débarrasser, alors qu'il élucide bien le... Ben, il y a une petite fin assez inattendue. C'est quand même bien. J'ai bien aimé The Limehouse Golem. Et autre truc que j'ai... Ben, en fait, écoutez, j'ai terminé la première série de Dark hier, et puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Série allemande d'horreur, thriller, fantastique. Avec Que j'ai écrit sur ma liste à écouter. Tu fais bien de l'avoir pris en note, parce que si t'aimes les trucs avec les voyages dans le temps, qui sont assez déroutants, tu vas être très bien servi. Excellent. Ouais, c'est vraiment bien Dark. Et j'ai commencé, mais à peine, sous les conseils de notre ami Rockmaster, la première saison 2014 de Fargo. Tu te rappelles du film Fargo de 96? Ben oui, j'ai vu passer cette série-là. J'en ai parlé avec ma conjointe, puis on s'est pas arrêté. Ben écoute... Il y a tellement de séries à un moment donné c'est épouvantable. Tu le mets dans la liste, puis éventuellement. Jour ou l'autre, c'est ça. Bon, écoute, comme t'as raison, parce que c'est quand même pratiquement 3 ans et demi plus tard là, que je m'attarde à Fargo. Ben regarde, Fargo. Nous autres, présentement, on est dans Elias, puis Elias, ça s'est terminé en 2006. C'est comme en retard un petit peu pas mal. Là, ben oui, mais en retard, c'est relatif. Ben non. Et Fargo, c'est oui, ça a un peu rapport avec le film d'une certaine façon, parce que ce sont tous des éléments, généralement, qui ont rapport avec un aspect criminel, qui sont reliés à la ville de Fargo. Je sais pas si c'est dans le Wyoming, il me semble. On dirait que c'est tout le temps l'hiver perpétuel là-bas. Là. Et le premier épisode est tout à fait prometteur, je dois te dire. Hier soir, j'ai regardé le premier épisode avec ma blonde, puis on a trouvé ça vraiment génial. Avec Billy Bob Thornton, qui tient pas mal le rôle principal, qui, moi, est un acteur que j'aime pas vraiment à prime abord. Ben, c'est parce qu'il joue tout le temps des rôles un petit peu de salaud. Hein. Ben là, il joue un rôle un peu de salaud, mais très weird. OK. Puis en même temps, assez drôle. Donc, ça c'est très prometteur. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus la semaine prochaine. C'est tout, mon cher, pour la chronique cinéma. C'est pas si mal, hein? Moi, c'est pas pour moi, c'est pour les chers téléspectateurs ici. Non, eux autres sont tous très fervents de mes chroniques. Oui. Des petits télésinois en l'air. Je les ai jamais demandés, puis je le ferai pas non plus. Non, t'es peut-être mieux pas. Peut-être, effectivement. On va aller en pause publicitaire, puis on revient après ça. Ah, ben tiens, je prends un peu de revanche, deux de mes choix dans la prochaine. Ben, le premier choix, il est pas mal commun, je remarque. C'est vrai, t'as raison. Pause publicitaire. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Le blog écoutedonc.ca se transporte à la radio. Karina Tardy et ses collaborateurs vous attendent chaque mercredi sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire de découverte musicale et de critique de spectacles de la région tous les mercredis de 18h à 20h avec écoutedonc.ca. Sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. Patriotes en action. Pour l'actualité sportive universitaire et amateur, les jeudis matins sur les ondes de CIFOU. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. On avait oublié de revenir. Ben oui, disons, on jasait. On s'occupe plus de vous, chers auditeurs. Ben, il faut qu'ils comprennent que l'émission, on l'a fait pour nous. Hein. C'est cela. D'ailleurs, on a l'impression qu'on l'a fait effectivement juste pour nous. Possiblement qu'on est peut-être tout seul dans notre bulle, mais c'est pas grave. Le prochain bloc, mon cher Sinistros, on le débute avec un choix commun. Ben c'est en force que ça débute comme, oui, comme choix. Oui, absolument. Et qui s'avère être mon numéro 1 top 10 de l'année. Ben, je vais t'avouer que moi, il n'est pas numéro 1, mais il n'est pas loin. Oui. C'est ben c'est vrai que toi, avec un top 450 000... Là, c'est très difficile d'avoir un top 1. T'sais, moi, mon top 1, il y a 12 albums. Oui, c'est ça. Mais tu sais, avec un top comme tu l'as fait, être en 30e position, c'est tout à fait honorable. Ben, en 30e position, c'est peut-être 2 pour le vrai. Oui, là, c'est ça. C'est ex-écrou avec 30 bandes. Je parle de formation d'Athènes et de Grèce, bien sûr, Septic Flesh. Et un extrait de leur album Codex Omega, leur 10e paru le 1er qui septembre dernier. Qui vient de nous sauter en pleine face en 2017. Ah, c'était... Puis la suite de Titan et la suite de l'autre avant et la suite de ça. Ah, écoute, c'est... Moi, j'ai une prédilection pour ce groupe-là. Oh, oui. Cette qualité... Depuis qu'ils sont revenus puis qu'ils ont décidé de prendre le logo puis le coller ensemble, oui. Ben, c'était que... Ah, tout à fait. Ils sont très, très... Tout est dans le logo. Oui, c'est ça. C'est comme Samson et ses cheveux. Donc, Septic Flesh, on va entendre aussi le numéro 9 de mon top 10, qui est le dernier album de Cannabis Corpse, Left and Pass, qui est un groupe qui se prend pas au sérieux, qui fait moi, un peu... j'ai jamais accroché là-dessus. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça bon. Spécialement celui-là. Mais il y a des titres qui sont très évocateurs, comme la pièce que je vais passer tout à l'heure, dont je vais vous nommer le titre, qui mesure à peu près 4 pieds. Ouais, tu vas reconnaître tout de suite... Ils doivent rire un peu de Niall, genre... Ben, tout à fait. T'as des titres qui font référence à Bolt Thrower. Ouais. C'est vraiment... C'est pas un joke band, parce qu'ils font vraiment sérieusement... Ben, il y a un petit aspect là, dérisoire dans tout ça. Et on va entendre aussi un de tes choix en fin de bloc. Ben, formation heavy metal, Argus... qui m'a vraiment scié les jambes en 2017. Tellement c'est bien fait. C'est agréable à entendre. Bon, j'ai l'impression de retomber dans le style des Judas Priest des premiers instants. Ouais. C'est vraiment cool. Là, bon, mais ça, j'ai écouté ta pièce. On pourra en parler. Bon, c'est pas trop, c'est correct. OK, tout de suite, on y va avec Septic Flesh. Let's go! Thank you.

C'était quoi ça, cette affaire-là? Hey, c'était un heavy doom metal, tout pour que ça avait des petites connotations. Des connotations, hein? Des fenestrations. musicalement, ouais. C'était ouais. Très fenestré à la Trouble. C'est la formation américaine Argus qui nous lançait son 1, 2, 3, 4e album ouais. From Fields of Fire avec la pièce Devils of Your Time. C'est paru sur... Comment t'as marqué ça, toi? Croze del Sour. Ouais, toi, t'as marqué Céuse. C'est pas moi qui ai marqué, c'est toi, c'est pas lui. Oh, non, c'est pas Croze del Sour. Croze del Sour. T'as mal copié, c'est ça. Non, je l'ai mal écrit, tout simplement. Ouais, moi, c'est mon ordinateur, le copy-paste. Moi, le R n'existe pas sur mon c'est ordinateur. C'est ça, copy-paste, moi, il buzz. C'est ça. Il est press and Nicky. Where's the Nicky? Juste avant, nous avions Cannabis Corpse. C'est le numéro 9 de mon top 10 de 2017. Formation de Richmond en Virginia. Et la pièce... Ah, il faut que je vous lise ça, c'est trop drôle. Ouais, ça fait... Bon, la pièce s'appelle... Papyrus containing the spell to protect its possessor against attack from EU is in the bong water. Alors que la pièce de Nile est Papyrus containing the spell to preserve its possessor against attack from EU in the water. Ils ont rajouté bong, oui. Excellent album paru le 8 septembre dernier. Left and Pass, leur 5e sur Season of Mist. Il fait partie, comme je l'ai dit, 9e position dans mon top 10. Et en ouverture de bloc, mon numéro 1 top 10 de l'année 2017, Septic Flesh. Hi, this is Seth from Septic Flesh. Oui, il parle comme ça. Formation de graisse et de peut-être d'argile aussi, sait-on jamais. D'argile, ouais, c'est ça. Et la pièce porte Portrait of an Headless Man, tiré de Codex Omega, leur 10e paru le 1er septembre sur Season of Mist. Excellent album. C'est un choix commun, d'ailleurs. Hein? Oui, monsieur. Alors, on vous rappelle que le vendredi 6 avril et samedi 7 avril, c'est le retour du Trois-Rivières Metal Fest, 15e édition, qui se déroulera au cabaret de l'amphithéâtre. Très belle place. Oui, mais là, je suis rendu tout mêlé, là. Là, c'est rendu 15, puis on est en 2018, les gars. Il manque t'as dormi 3 ans. Oui, j'ai dormi 3 ans. Pendant 3 ans, on a eu la paix. Avec les formations Necrosphere, Outre-Tombe, Intratil, Aeternam, Anonymous, Jungle Rot et Deicide. C'est le vendredi et le samedi, Northwalk, Insurrection ou Insurrection, selon le cas Divinity, Get the Shot, Obey the Brave, Beyond Creation et The Spiced Icon. Pour tout renseignement supplémentaire, on vous invite à aller voir Trois-Rivières Metal sur leur Facebook. Aussi, ce vendredi, à compter de 11h ici même, c'est fou. C'est pour les vrais amateurs de vrai rock. C'est l'émission Rock Classique avec mon ami le Rockmaster René Lefebvre. Et cette semaine, lui et moi vous présenterons entre autres c'est la fête Saint-Valentin, c'est pour la Saint-Valentin, mais on fait plus de spécial Saint-Valentin comme on l'a vous fait. Vous ne mettrez pas du rock velu? Pas vraiment, non. on va faire un spécial par contre plaisir honteux et coupable. C'est-à-dire que Alain et moi vont choisir respectivement pour deux blocs, environ 6 ou 7 pièces chacun. Et on va présenter des pièces qu'on ne veut pas que le monde sache qu'on écoute. Britney Spears? Ben, peut-être pas jusque-là, là, mais bon. Ça va être un truc probablement fort drôle à écouter. En plus, bien sûr, des éphémérides, ma chronique surnaturel, voilà. Les segments sur les groupes obscurs, ainsi que les présentations qui seront des nouveautés, entre autres. Les albums classiques cette semaine seront Stained Glass de Judas Priest, entre autres. Evan Halen, l'album homonyme, deux albums marquants dans le monde du métal, bien entendu. On aura aussi les nouveautés de Anvil, Loudness, Madame X, Tree Country, Terror, Wolf Tooth, Madame X, oui. Et Saxon aussi également. Donc, de 11h à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. Mais tu dis les vrais amateurs de vrai rock. Ouais, on pense des niaiseries, j'en comprends. Est-ce qu'il y a des faux amateurs de faux rock? Ou des vrais amateurs de faux rock? Il y a des faux amateurs de vrai rock, il y a des faux amateurs de rock. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Tu m'as tout mêlé, mais c'est pas grave. Bon, c'était le but, évidemment. Bon, dernière présentation pour la soirée. Je pense qu'on n'aura pas encore le temps de la faire. Moi, il y a juste une chansonnette. Non. Peut-être. écoute, honnêtement, là, peut-être deux sont, si je me dépêche un peu. Le numéro 3 de mon top 10, formation d'Angleterre de Horsham Discarnate. Une excellente formation. Écoute bien ça, mon petit Sinistros, la pièce Traitor in the Palace. Très, très bonne pièce tirée de With All Their Might, qui est parue le 15 septembre dernier. Leur troisième album sur Nick Leader. On devrait être capable de faire passer ta pièce de Flesh Killer. Ben oui, Flesh Killer qui... C'est grâce à Tower puis au Rockmaster qui... Vous êtes trois inconditionnels du groupe. Hein? Oui, mais moi, je connaissais pas vraiment ça. Puis c'est lors de notre dernière rencontre au sommet. Au sommet, oui. La rencontre des sommités au sommet, c'est ça. Voilà. Oui, mais c'était dans le fond la rencontre des grands inquisiteurs. Mm-hmm. On s'est mis à parler de ce groupe-là, puis je l'avais pas écouté, puis... Ils m'ont supplié à genoux. Ah, évidemment. Et oui, finalement. Et t'as succombé. J'ai succombé à la tentation. Et je suis tombé à genoux, moi aussi. Ben, écoute, moi, ça m'a pas vraiment fait grand-chose. Non, mais toi, ça pas fait grand-chose. T'as fait scier deux jambes. Mais tu sais, ce coup-là, ça n'a pas fonctionné. Quelles jambes? Il y a longtemps que je les ai enlevées. Pour éviter qu'ils cassent, bien sûr. Ah. Donc, ces deux pièces-là. Et la semaine prochaine, on se retrouve, bien sûr, pour réanimation avec la version finale de cette Retro Undead 2017. Avec possiblement quelques nouveautés 2018. Probablement, oui, qu'on va agrémenter le tout de ça, restant ici assez fou en onde, parce qu'à 21h, c'est Matière Noire qui devrait débuter. Donc, on terminera cette semaine avec le 15 septembre, qui est avec ton album de Flesh Killer Awaken. La semaine prochaine, on reprend avec Air Raid, en date du 29 septembre et Across the Line. On sera là la semaine prochaine. Et ne manquez pas l'émission de notre ami Tower DJ of Death Subversion, ouais. Qui sera le 16, la prochaine émission. C'est le 16. Aussi, je crois, oui. Ouais, il me l'a confirmé aujourd'hui. Et allez consulter le blog de notre ami Sinistros, hurlemort.com, avec ses chroniques farfelues. Farfelues, oui, et efficaces. Bon, c'est le dit. Non, mais efficaces en farce. Non. Elles sont bonnes, tes chroniques. Et tu as une bonne plume, faut te le donner. Oui, mais ça chatouille des fois. C'est tout ce que t'as de bon, d'ailleurs. Mais merci. Allez tous vous faire foutre. See you.